بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، سنواصل تأخرت شوية في قراءة يعني لشبهات لا ريبونس. قال المؤلف رحمه الله تعالى المثال 13 خزيم إكزامبل، قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. N'ont-ils pas vu que nous avons créé pour eux ce qu'on fait nos mains comme bestiaux? Donc, يعني المعطلة يريدون أن يلزمونا أن نقول أن الله خلق الأنعام بيده كما خلق آدم. Qu'Allah a créé les bestiaux de sa main comme il l'a fait pour Adam. والجواب أن يقال ما ظاهر هذه الآيات وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه. Donc c'est quoi la réalité justement ce verset pour dire qu'on est sorti de son apparent. هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده لكن إضافة العمل لليد والمراد صاحبها معروف في اللغات العربية التي نزل بها القرآن الكريم. Il a dit maintenant c'est quoi que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Allah a créé ces bestiaux comme il a créé Adam de sa main? C'est ça l'apparent? Ou alors l'apparent c'est que Allah Azzawajal a créé ces bestiaux comme il a créé autres parmi les créatures mais il ne l'a pas fait par sa main, mais cependant le travail a été attribué à sa main pour dire que c'est lui qui a fait cela, comme cela est connu dans la langue arabe. يعني حتى يقول عدا عند dans notre dans langue française les gens disent j'ai bâti cela de mes mains. مثلاً il a fait une entreprise, il a tout fait depuis le début et il dit j'ai bâti cela de mes mains. ما معنى هذا؟ مثلاً il a un grand immeuble, est-ce que l'immeuble il a fait de sa main lui-même? Non, ça veut dire que c'est lui qui est la cause, qui a fait le travail, qui fait que tout cela est parvenu. هذا معنى كلامي. فحتى في en même langue française c'est une expression qui s'emploie. Et dans notre Laura, je pense aussi qu'à ذلك. أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين. Le premier قول, dire que c'est Allah qui a créé cela de sa main, qui a créé les bestiaux, ce n'est pas l'apparent du texte. Par deux points, il va le prouver par deux points. أحدهما أن اللفظ لا يقتدي بمقتضى اللسان العربي الذي نزل بالقرآن. ألا ترى إلى قول الله تعالى وما سبكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. Donc la langue arabe n'inclut pas cela. مثلا dans le Coran, Allah dit dans le sens, est-ce qui vous a atteint comme malheur, cela c'est pour ce que vos mains ont accompli. وقول الله تعالى ظاهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Et que le désordre est apparu sur terre et sur mer pour ce que les mains des gens ont accompli afin qu'ils goûtent une partie de ce qu'ils ont œuvré afin qu'ils reviennent. وقوله ذلك بما قدمت أيديكم. Et cela pour ce que vos mains ont commises. فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يدي بخلاف ما إذا قال عملته بيدي. Donc cela ça veut dire quoi? Ce que l'être humain a fait de lui-même en fait, ce qu'il a causé de lui-même. Ah même, et cela n'est pas forcément, mais ce n'est pas seulement, il peut avoir fait plein d'actes même avec sa langue, il a fait le façade, il a fait du mal et pourtant on va dire bon ma kasabat aydikum, parce que vos mains ont accompli. Contrairement à quelqu'un qui aurait dit عملته بيدي كما في قول الله تعالى ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. Contrairement à quelqu'un qui dit que j'ai fait cela, quand même, j'ai œuvré cela de ma main. Comme dans le verset où Allah dans le sens où il dit malheur à ceux qui écrivent le livre de leurs mains, puis ils disent que cela provient d'Allah Azzawajal. فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. Cela prouve que cela a été fait vraiment par la main. Car l'écrit, t'écris avec quoi? Avec ta main. نعم. والثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان اللفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما كما قال تعالى في آدم وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. Donc si jamais le sens voulu c'était l'anam, le fait que Allah a créé les bestiaux de sa main, il aurait dit nous leur avons créé par nos mains, vous voyez, par nos mains des bestiaux, comme il a dit dans le sens ce qu'il a dit à Iblis, l'anatollah alayhi, Ma mana'aka an tasjuda lima kharaktu biyadayya. Qu'est-ce qui t'empêchait de te prosterner pour ce que j'ai créé de mes deux mains? Elle a bien dit, ce que j'ai créé de mes deux mains. Liyanna al-Qur'an nazala bil bayan la bit ta'miya. L'école de l'Aïta'ala, on a zelna alayk al-Qur'an tibyanan ni kulli shayin. Car le Qur'an est descendu pour éclaircir et non pas pour aveugler et cacher. Tamam? فإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الثواب والقول الثاني وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد فتنبه للفرق فإن التنبيه للفرق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم وبه يزول كثير من الإشكالات. Donc maintenant on voit, après avoir compris cela, que cela annule le premier qaul et que c'est le deuxième qui s'avère être juste. D'accord? Et que le fait que Allah a attribué l'œuvre à ses mains veut dire qu'en fait c'est lui qui a fait cela. Et cela n'inclut pas forcément que ses mains directement l'ont fait. Contrairement à si jamais ça a été attribué à la personne elle-même par harf jar ba bi. D'accord, bi. Donc il a dit fais attention à cette différence et le fait de connaître les différences dans les choses équivoques est une science qui t'apporte beaucoup de solutions dans beaucoup de problématiques dans les textes. El mithal arabi achar, quatrième ou quatorzième exemple. قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. Que ceux qui te prêtent allégeance, إنما, cependant, ils ne font que prêter allégeance à Allah et la main d'Allah est au-dessus de leurs mains. نعم. Donc les Mu'attila, ils disent que la parole du verset. Et que le fait que les mu'minins ont fait une bay'a, ils l'ont fait directement avec la main d'Allah Azzawajal. Non. Donc ils veulent nous contraindre à dire que les mu'minoun ont serré la main à Allah Azzawajal. Wal jawabu an yuqal hadhihi al-ayatu tadammanat jumlatayn. Ce verset comporte deux phrases. الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله. Première partie de la phrase dans le verset, dans le sens que certes ceux qui te portent allégeance ne font que porter allégeance à Allah en réalité. وقد أخذ السلف السنة بظاهرها وحقيقتها وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبيعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما في قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Donc les salafs, ils ont compris ce verset comment? Selon son apparent et selon sa réalité. Et cela est clair que les sahaba ont porté allégeance à qui? Au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela a été dit dans d'autres versets, comme dans la porte d'Allah, dans le sens où il dit que Allah a agréé les croyants qui ont porté allégeance au-dessous de l'arbre. Qui t'ont porté allégeance, c'est-à-dire au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en dessous de l'arbre. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قول الله تعالى إنما يبيعون الله أنهم يبيعون الله نفسه ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته الأول لأول الآية والواقع استحالته في حق الله تعالى. Donc il y a personne qui comprend justement dans cette parole qu'ils ne font que porter allégeance à Allah, qu'ils l'ont fait avec Allah directement بذاته. Et cela n'est pas ce qui apparaît justement de l'apparent du verset. وَإِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى مُبَيَّعَةَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبَيَّعَةً لَهُ لِأَنَّهُ رَسُولُهُ وَقَدْ بَايَعَ الصَّحَابَةَ عَلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمُبَيَّعَةَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ أَرْسَلَهُ مُبَيَّعَةً لِمَنْ أَرْسَلَهُ لِأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ الْمُبَلِّغُ عَنْهُ كَمَا أَنَّ طَاعَةَ الرَّسُولِ طاعت لمن أرسله لكل الله تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله. Donc pourquoi Allah Azza wa Jal a dit que le fait de porter allégeance au Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est comme lui porter allégeance, car le même message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui c'est qui l'a envoyé? C'est Allah Azza wa Jal pour qu'il retransmette de sa part. Donc, tout comme ceux qui ont porté allégeance pour le djihad, fisabilillah, ils l'ont fait par le biais du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et pour qui? Pour Allah azza wa jal. Tout comme Mathalan, il a dit quoi? Que celui qui obéit au messager, c'est comme s'il avait obéi à qui? À Allah. C'est la même obéissance. Comme dans le verset, ou dans le sens où Allah a dit que celui qui obéit au messager a certes obéi à Allah. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadith akhar, wa man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah. Celui qui m'a obéi, c'est obéi à Allah, et celui qui m'a désobéi, c'est désobéi à Allah. Car l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'ordre d'Allah. Lui, il retransmet. Wa fi idafati mubayyi'atihim ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ila Allah ta'ala min tashrif an-nabi alayhi salatu wa salam wa ta'yid wa tawkid hadhihi al-mubayyi'a wa 'azmiha ورفع شأن المبيعين ما هو ظاهر ولا يخفى على احد. Donc cela a été fait pourquoi? Allah Azza wa Jal a attribué cette mubayya au Nabi sallallahu alayhi wa sallam par anoblissement pour lui, pour montrer la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là ça revient à quoi? Quelle mas'ala ça te fait penser ça? Mas'ala idha qila ja'a الامير que le chef est venu. هل يلزم ان يكون الامير جاء بنفسه qu'il est venu en personne? Ça veut dire qu'il a envoyé. C'est pour cela qu'on emploie quelque chose en langue arabe pour affirmer que c'est la personne elle-même qui est venue. At-tawkid. Le tawkid c'est à ça. Mais c'est نقول جاء الامير نفسه وعينه que l'émir est venu lui-même. Là ça veut dire que c'est lui qui est venu. Mais si tu dis جاء الامير ما يلزم ما جاء الامير فهمت نفسي ça peut pas cela forcément mais si on met le tawkid فهمت et tawkid معنوي là ça veut dire que c'est lui-même qui est venu. والجمله الثانيه deuxième phrase قوله تعالى يد الله فوق ايديهم كلمه الله تسد العمى وهذه ايضا على ظاهرها وحقيقتها فان يد الله تعالى فوق ايدي المبايعين لان يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه فكانت يده فوق ايديهم كلمه الله تسد العمى et ça également c'est selon l'apport du texte car Allah عز وجل اينه فوق السماء sur son arche donc forcément il est au-dessus donc sa main au-dessus des gens alors il n'y a pas de problème par rapport à ça وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته وهو للتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم ومبايعة لله عز وجل ولا يلزم منها أن يكون يد الله عز وجل على مباشرة لأيديهم. Donc cela ne veut pas dire que la main d'Allah est directement au-dessus de leur main présente. ألا ترى أن الله يقول ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا فوقنا مع أنها مبينة لنا بعيدة عنا فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. Ne vois-tu pas qu'on dit مثلا que les cieux sont au-dessus de nous? Cela veut dire que les cieux nous touchent directement? Ou les sahabes, les nuages par exemple, ils sont au-dessus de nous. Ça veut dire qu'ils sont au-dessus de nous directement? Non, ما يلزم هذا. Allah عز وجل est parmi ses صفات العلو, l'élévation. Mais Allah عز وجل n'est pas dans sa création. قد اخذنا هذا ولا يمكن لاحد ان يفهم ان المراد بقول الله يد الله فوق ايديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم لان ولا ان يدعي ان ذلك ظاهر اللفظ لان الله تعالى اضاف اليد لنفسه ووصفها بانها فوق ايديهم ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند المبايعه للصحابه لم تكن فوق ايديهم بل كان يبسطها اليهم فيمسك بايديهم كالمصافح لهم فيدهم مع ايديهم لا فوق ايديهم. Et personne ne pourra dire également que la main d'Allah Azza wa Jal c'est la main du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah il a dit quoi? Que sa main au-dessus de leur main à eux. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a reçu le pacte d'allégeance des Sahaba, sa main était où? Pas au-dessus de leur main, mais elle était tendue vers eux pour leur serrer. Pas au-dessus, mais au même niveau. Au même niveau. Donc ça c'était également là. 14e Shubuhat. Et la 15e et dernière. قال قوله تعالى في حديث القرسي selon la prière dans Tadmuriya. يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث. Qu'il a dit au fils d'Adam, j'ai été malade et tu ne m'as pas visité. D'accord, tu ne m'as pas rendu visite. Donc, ils veulent nous faire croire, de nous pousser à dire que Allah tombe malade. Hasha wa kalla. Abadan. Tamam, l'un des malades, sifat nox. Tamam, c'est une sifat de manque, de faiblesse, complètement. Mustahil en tout d'affil Allah. هذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البير والصلة والآداب. ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي. ورواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال ما علمت أن عبدي فلانا مرضا فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال يا رب فكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال ما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. دونك الحديث عن أبو هريرة، حديث كرسي، الله عز وجل الذي يوم القيامة au fils d'Adam, je suis tombé malade et tu ne m'as pas visité, tu ne m'as pas rendu visite. Il dira, ô Seigneur, comment vais-je te visiter alors que tu es Seigneur des mondes? Il dit, n'as-tu pas su que mon serviteur, un tel, est tombé malade et tu ne l'as pas visité et que si tu l'avais visité, tu me retrouvais auprès de lui. Ô fils d'Adam, je t'ai demandé à manger, de me nourrir, tu ne m'as pas nourri. Il dit, ô Seigneur, comment vais-je te nourrir alors que tu es Seigneur des mondes? Il dit, n'as-tu pas su que mon serviteur, un tel, t'a demandé de le nourrir et que tu ne l'as pas donné à manger. N'as-tu pas su que si tu l'avais donné à manger, tu aurais trouvé cela auprès de moi? Ô fils d'Adam, je t'ai demandé de m'abreuver et tu ne me l'as pas fait. Il dit, ô Seigneur, comment vais-je t'abreuver alors que tu es le Seigneur des mondes? Il dit, mon serviteur Foulaine t'a demandé de l'abreuver, tu ne l'as pas fait. N'as-tu pas su que si jamais tu l'avais abreuvé, tu aurais trouvé cela auprès de moi? Tayyib, qabla hada, sual i'arabi. قال أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده. ما يعرف فلانا؟ أما علمت أن عبدي فلانا مريض. N'as-tu pas su que mon serviteur un tel est tombé malade? ما يعرف فلانا؟ ما هو البدل؟ بدل أحسنت وبدل من عبدي عبد واسم أن وفلانا بدلا وبدل له وإن خبر أن لول خبر دو أن الجملة الفعلية مريض هو نعم أحسنت يعني كما تعبي دي أن عبدي مريض طيب دونك الحديث اللي كلير تمام الحديث اللي واضح والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به فقوله تعالى في الحديث القدسي مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان وهو الصريح في أن المراد به مريض عبد من عباد الله فاستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من عباد الله والذي فسر بذلك والله المتكلم به وهو أعلم بمراده. que Allah Azzawajal lui-même, dans ce même hadith, éclaircit le sens voulu par ce hadith, qu'en fait, le sens voulu, c'est que l'un des serviteurs d'Allah Azzawajal a eu faim et n'a pas été nourri, et qu'il est tombé malade, qu'il n'a pas reçu de visite, et qu'il a eu soif, qu'il n'a pas été abreuvé. Et Allah Azzawajal le dit lui-même. Donc, hadha ma fi ishkal. Donc, les salafs, ils ont fassar comme Allah Azzawajal lui-même l'a éclairci. فإذا فصلنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهره لأن ذلك تفصيل المتكلم به. Donc le fait d'attribuer tout cela vers Allah Azza wa Jal en voulant par cela le serviteur, cela n'est pas une chose qui fait qu'on sort de l'apparent, parce que c'est celui qui a parlé a voulu lui-même, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء وانما اضاف الى الله اضاف الله ذلك لنفسه اولا لتلغيب والحث كقوله من ذا الذي يقرض الله. Donc Allah l'a bien dit, tamam, et il a attribué cela, il s'est attribué cela lui-même. Pourquoi? Pour inciter et pousser justement à agir, comme dans le verset où il dit, et celui qui donc prête ou fait un prêt à Allah Azza wa Jalla. تمام من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا والله يقبض يبسط. Que Allah justement, celui qui fait cela, Allah prend et saisit. Est-ce que Allah veut qu'on lui prête quelque chose? Ou le Ghani, ou le Malik. Et c'est pour dire quoi? Tu fais une chose pour Allah Azza wa Jalla, tu l'as fait bien. Azza wa Murad. وهذا الحديث من أكبر حجج المدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يحرفونه بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. Donc là, c'est parmi justement ce hadith, parmi les plus grands arguments qui détruisent justement les gens du ta'wil, ceux qui détaillent les textes et les font sortir, yani qui détaillent les textes, altèrent les textes des sifat et les font sortir de leur apparent sans preuve. Sans preuve tirée du kitab de la sunna. Mais ils le font cela pourquoi? Pour des choubouhats qui sont fausses et autres. Donc ils deviennent en cela contradictoires et dans la confusion. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله ولو كان ظاهرها مبتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما هذا الحديث كما في هذا الحديث. Que si jamais justement le khilaf, la chose devait être opposé à l'apparent comme eux le prétendent, Allah Azza wa Jalla l'aurait éclairci et son messager sallallahu alayhi wa sallam كذلك. لو كان الظاهر لا يقبل الله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنه من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى الا بكلفه وهذا من اكبر المجاء او اكبر المحل ولنكتفي بهذا القدر من الامثله لتكون نبراسا لغيرها. وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة وهي إجراء آيات الصفات وإحدى وأحاديثها أو أحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تقديل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في قواعد نصوص الصفات والحمد لله رب العالمين. Donc là il dit, les exemples cités là suffisent pour éclairer les gens. Et la corrida chez les gens de la sunna, elle est connue. Que les ahadith et les ayat, on les prend selon leur apparent. Sans faire de tahrif, ni de ta'til, ni de takif, ni de tamthil. Donc là, s'achève justement le quatrième fasl qui était lui, les shubuhat et leurs réponses. Thumma yukmil kitab bil khatima, une conclusion que l'on prendra, inshallah, demain. Et on essaiera de la prendre lors de ders. وبعد هذا سنكون كملنا الكتاب. À la fin également il a son bayan qu'il fait par rapport au fait qu'il ait dit le lapsus que pourrait ou le quiproquo que pourrait causer le terme qu'il employait dans la maria dhatiya, que les gens pourraient croire que ça veut dire qu'Allah est avec nous par sa présence, par son essence, et donc de là il a fait un bayan par rapport à ça. Jazakallahu khairan. Et ça c'est parmi tawadou' du cheikh. Car il a dit un lafz, d'ailleurs, qui porte à confusion, cher Al-Othaymin, et les gens lui ont signalé cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un bayen. Il a dit ça à la directe. Et t'as des gens, ils font jamais de tawba dans ce qu'ils ont dit. Allez, namchi. J'ai dit ça, j'ai pas à me justifier. Ce que j'ai dit, c'est clair, vous me connaissez, c'est qui je suis. J'ai pas à me justifier. Et les gens n'ont pas conseillé non plus. T'en as, ils conseillent, t'as même, mais on peut pas les conseiller eux. Ils sont au-dessus du conseil, on dirait. Wallah musta'an. Walhamdulillah rabbil alamin.